j'aimerais voir dans tous ces regards ton beau sourire vibrant d'espoir. Au moins je jurerais, j'aurais tout donné pour un moment comme ça. Ce moment est là. Tout est possible, enfin je crois. Faire une croix sur ce qui est nuisible avant de péter un fusible. Je vois que la vie aussi entre rire et larmes, et parfois une chance s'offre à nous et on pense à tout ça par soi. Être optimiste par les temps qui courent, c'est tendu. On aperçoit les mains tendues trop tard, moi j'ai rien entendu. Chacun ses potes, ce sont elles qui nous ont rendus plus humains par nature. On ferme les yeux sur nos ratures au fond. Si on s'assure, je t'assure, on y arrivera quand même. La vie nous donnera l'occasion de revenir sur le devant de la scène. Balance ton venin, j'ai l'antidote et je pardonne. Le reste mène à rien, j'ai pas besoin non plus 36 personnes. Une étoile filante dans le ciel pour présage. Irrationnel, un signe, un message. Changement de paysage au passage. Ce soir c'est le moment, celui que j'attendais. Je vais pas gâcher cette opportunité que l'on m'a accordée. Et derrière tout ce bazar, la vie ne t'offre pas de rose. Je prends le temps de m'asseoir, d'écrire ces quelques pros, et de recueillir un peu d'espoir. Dès qu'une opportunité s'y pose, parlez-moi d'amour, de cette vie qui t'a souri. Pourquoi t'as pas fait le tour de la salle pour aller la voir et la faire rire. Un petit clin d'œil à la chance qui n'arrive pas tous les jours, et à tous ces ratés qui gravitent autour. Parlez-moi du manque à gagner, de toutes ces fois par négligence, ta motivation s'est fanée. Cette fois où t'as zappé ce patron et son offre, fallait faire ça pour ta femme et tes gosses. Donc parlez-moi du bonheur, de celui qui peut te porter au-delà des lueurs de la mort, sauf si t'es passé à côté. La vie n'est faite que d'opportunités à saisir, un laps de temps éphémère pour se faire plaisir. Je vais rêver, je vais rêver grand. Je vais regarder mes rêves se déployer, je vais les réaliser. Les yeux rivés sur l'horizon, triste paysage. Je prendrai tout sur mon passage de toute façon. Faut pas croire que tout se mérite, parfois c'est le hasard. Dites-moi où est le mal si on en profite. Du bonheur y'en a pour tous, le tout c'est de le savoir. Je l'ai trouvé, j'ai rempli mon réservoir. Je suis pas un exemple, ni un donneur de leçons. Mais ça me fatigue ceux qui se contentent et qui se morfondent. Visons l'impossible, j'apporte une idée. Restons positifs, on en aura des opportunités. Tout ça attendre que la nuit tombe pour s'imaginer le monde parfait. Vivre dans la facilité, ne partons pas dans l'irréel. Un peu de lucidité, à viser le ciel, on finit par se brûler les ailes. Regardez-moi et cette opportunité est ici au devant de moi. Je ne sais que trop, t'avais fait pas de cas.